Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens me parler de théâtre et de création. Aujourd'hui, j'ai rencontré Eugénie Marclan, régisseuse générale au Théâtre de Belleville. On a parlé création et technique, on a parlé être une femme dans un métier d'homme, et on a tenté de donner un bout de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait, faire du théâtre ? Bonjour Eugénie, tu es régisseuse au Théâtre de Belleville. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail ? Qu'est-ce que c'est régisseuse générale d'ailleurs ? Alors, faire la régie générale d'un lieu, c'est gérer techniquement tous les besoins du lieu. Donc c'est essentiellement de la technique, d'avoir le matos nécessaire pour accueillir les compagnies correctement. Voilà, faire en sorte que tout fonctionne, que ce soit viable pour l'entrée des spectateurs et que tout marche. Après, c'est aussi le planning, des techniciens, faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un. Parce que là, à Belleville, donc, il y a d'autres régisseurs qui s'occupent à chaque fois des spectacles, c'est ça ? Qui font la régie du spectacle, en particulier. Okay. Ils sont affiliés à un spectacle. Okay. Voilà. Moi, je gère le fait que toutes les compagnies fonctionnent ensemble et, et qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Ok, donc tu supervises à la fois les compagnies et les techniciens aussi. Ouais. Toi, tu gères à la fois le plateau, donc la scène, et aussi l'espace du public, la salle. Oui. Ok. Ouais. Et les techniciens, les régisseurs pour chaque spectacle, eux gèrent la lumière et le son du spectacle. Ouais. Ok. Ouais. Et comment t'es arrivée là, au métier de régisseuse ? Je suis arrivée là par le cinéma, parce que j'ai fait des études de cinéma en Belgique, et pour étudier la lumière en tant que chef-op. Et en sortant de l'école, j'ai bossé un peu dans le cinéma, et puis je suis revenue à Paris, et en fait j'ai cherché du boulot un peu... dans le cinéma, j'avais déjà des contacts, mais je voulais changer un peu, et l'Épée de Bois m'a proposé du boulot, Théâtre de l'Épée de Bois. Okay. Et voilà, et du coup j'ai commencé la régie vraiment théâtre au Théâtre de l'Épée de Bois. D'accord. Voilà, où je suis restée 2 ans. Et après, au fur et à mesure, les compagnies, les contacts... Donc la lumière, tu connaissais déjà ? Je connaissais déjà via le cinéma, ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais c'était ça qui me passionnait déjà à la base. Ouais. Et le son, du coup, t'as appris... Et le son, j'ai appris sur le tard, et c'est toujours pas ma spécialité, mais c'est pas très très grave. Sur un spectacle, généralement, c'est assez simple. J'ai des techniciens qui sont affiliés au son, et moi à la lumière, et on s'arrange. Mais... Ok. Et donc t'as pas eu de formation en particulier Si, sur le tas plutôt. Ouais, pour le théâtre, j'ai appris sur le tard, ouais. Sur le tard, ouais. Ok. Ouais. Et c'est quoi le rôle d'un régisseur dans la création d'un spectacle ? Alors, ça dépend. Ça dépend ce qu'on entend. Il y a régisseur, il y a créateur lumière, qui est aussi un régisseur, mais c'est lui qui va faire la création lumière et qui va accompagner le spectacle. Le régisseur, il peut intervenir après pour reprendre la création de lumière et reprendre toute la spécificité technique du spectacle et le décor pour partir en tournée. Ok. Voilà, et donc le régisseur accompagne le régisseur, il est toujours affilié plus à la technique et à toute l'organisation du décor. D'accord. Voilà. Mais donc un régisseur peut aussi être créateur aussi lumière. Aussi être créateur lumière, absolument, ouais. Ok. Ouais. Et donc, il y a une différence entre un régisseur dans un théâtre et un régisseur en tournée, justement ? C'est deux métiers différents ? Oui, c'est deux métiers très différents. C'est deux métiers très différents. D'abord parce qu'il y en a un où on est affilié à un spectacle et c'est nous qui sommes accueillis dans une salle. Donc, on a en tête que le spectacle avec lequel on vient. Alors que là, ce que je fais, moi, c'est plus... moi, les spectacles ne m'importent pas trop. Ce qu'il faut, c'est que le... Enfin, si, c'est évidemment, ça m'importe, mais... Mais ce qui me pose question, c'est le lieu. Donc, c'est faire en sorte que le lieu soit accessible à tous. Donc, pour tous les spectacles. Et que ça fonctionne pas seulement pour un, mais pour plusieurs. Ouais. Oui, alors que donc, le régisseur en tournée, lui, c'est problème, juste son spectacle. C'est son juste, problème, voilà. Ça va être aussi de s'adapter à chaque salle qui va l'accueillir. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a un rôle de conseil aux jeunes compagnies, justement, sur la création lumière, sur la... Ou même là, ici, quand certaines compagnies arrivent pour adapter leur spectacle au Théâtre de Belleville. Alors, sur la faisabilité de tel ou tel projet. Oui, bien sûr, ouais. Ça ne m'est pas encore tellement arrivé, mais oui, ici, souvent, on discute en amont. Je fais venir les compagnies avant pour visiter la salle et on discute de la faisabilité de leur projet. Et donc, évidemment, je vais leur conseiller des trucs en fonction de ce que je conçois, enfin voilà, et de ce que tu peux proposer. Ici, ce que je peux proposer, ouais. Et donc, tu restes disponible pour accompagner sur. Ouais. D'accord. Et est-ce que pour toi, selon toi, c'est indispensable que les jeunes compagnies se fassent accompagner par des... C'est indispensable, oui. Indispensable, parce qu'ils y connaissent rien la plupart du temps et qu'ils ne s'entourent pas de régisseurs forcément. Et je pense que c'est un gros manque pour une compagnie de ne pas avoir quelqu'un, en tout cas, spécialisé dans la lumière ou dans le son, parce que du coup, il n'y a pas que le texte et que les comédiens, il y a aussi beaucoup la technique. Et si ça pêche de ce niveau-là, c'est vraiment, ça peut être vraiment affreux, quoi. Donc oui, ouais. Parce que là, on avait proposé donc, au théâtre... Il y avait des masterclass donc, avec le théâtre de Belleville, le théâtre Paris-Villette et le centre Paris-Anime Léal, le Marais. Il y avait eu justement Rémi Prin qui avait fait une formation pour les jeunes compagnies à la régie, parce qu'il y a ce problème du langage qui n'est pas le même. C'est qu'une jeune compagnie, c'est ça, va arriver exactement, en disant j'aimerais ce spot-là, et tout ça, donc ça ne se dit pas comme ça. Et c'est vrai que... Mais ce n'est pas seulement une formation. C'est vrai qu'il leur faudrait une formation aux jeunes compagnies, mais... Sur le B.A.B.A. au moins, sur le B.A.B.A., avoir le même langage. Ouais, ouais. Après, c'est bien qu'ils arrivent à s'entourer de régisseurs ou de techniciens, en tout cas, compétents, parce que c'est important. Et c'est bien qu'ils soient formés, ouais. Et ça, tu sais où on peut les trouver ? Les formateurs ou les techniciens ? Non, les techniciens. Si là, j'ai envie de créer un spectacle demain avec ma compagnie, comment est-ce que je fais pour m'entourer ? Bonne question. parce que après, c'est par contact. C'est-à-dire que moi, j'en connais plein et j'en ai vraiment dans mon carnet d'adresses. Mais c'est vrai que où les trouver quand tu connais pas du tout, c'est difficile, ouais. Peut-être appeler les théâtres pour avoir des... Peut-être les écoles de formation. Les écoles de formation comme le CFPTS et tout ça, ça c'est très bien évidemment. Ils auront plein de contacts. Et là, généralement, régisseur, c'est quand même... Enfin, la régie générale, on va pas masculiniser les noms, mais c'est plutôt un poste d'homme à la base. Enfin, on a plus l'habitude de voir des hommes parce que c'est aussi assez physique. Et donc toi, tu vis comment le... Moi, je le vis très bien. je le vis très bien. Au contraire, ça m'amuse assez d'avoir ce... que les gens attendent souvent quelqu'un d'assez masculin ou un homme pour ce genre de métier. Et au contraire, de montrer que c'est possible de faire ça sans forcément avoir des gros biscottos. Et voilà, parce que c'est pas que ça. Non. C'est pas que porter des décors et tout ça. Et voilà, et non, ça se passe bien. Enfin, il y a de plus en plus de femmes qui font ce boulot et c'est super. Et je pense qu'il y a plein de compagnies d'ailleurs qui veulent plus des femmes en régie parce qu'il y a une autre approche. Oui, peut-être aussi. Moins technique, peut-être, et plus dans la sensibilité que dans la technique pure. Et toi, tu t'es jamais sentie. Jamais. Enfin, une fois, j'ai eu affaire à un mec qui était vraiment pas. Un peu misogyne, je l'ai sorti du théâtre et puis voilà, c'était réglé quoi. Ouais. Mais ouais. Donc tu sais te servir d'un tournevis, ça veut dire ? Oui, ouais. Ah, la chance ! Parce que ce que nos auditeurs ne voient pas, c'est que t'es pas immense. Non, t'es toute jolie, ça, voilà, aux yeux bleus, les cheveux longs, effectivement. Mais ça change des grands costauds qu'on peut voir aussi. Voilà, ici. Mais moi ça m'amuse assez de jouer avec ça. De montrer qu'on peut quand même être féminine, même si on monte sur une tour, on monte sur une échelle, on porte des trucs. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. C'est pas que ça, ce métier-là aussi. C'est pas... Voilà. On console de régie, en l'occurrence, parce que... Pareil, là, les régies, donc c'est des grosses consoles avec plein de boutons. Je sais pas du tout à quoi. Et ça, oui, c'est juste... Ça s'apprend. N'importe qui est capable de l'utiliser. Ouais. Hein. C'est juste un apprentissage. Quoi. Moi, j'ai appris au fur et à mesure d'avoir affaire à des consoles. Il faut bien trouver comment ça marche. Donc on apprend, quoi. Mais ça, c'est juste, effectivement, c'est juste physique, quoi. La différence, elle peut être juste là. C'est-à-dire que, oui, je vais peut-être porter, à la place d'emmener deux projets en l'air, je vais en monter qu'un à la fois. Et voilà, mais c'est pas... Voilà, ça n'a jamais posé de problème, en tout cas. OK. Ouais. Et donc, est-ce que pour les jeunes compagnies, tu aurais des conseils à donner, justement, sur... De s'entourer. de s'entourer. D'un régisseur ou d'un créateur lumière qui connaît. Ouais. D'un régisseur surtout, en fait. Plus que d'un créateur, parce que on peut toujours s'adapter, voilà. Mais de quelqu'un qui les suit techniquement, c'est important. Mm. Ok. Pour leurs besoins techniques. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Voilà, nous remercions immensément Eugénie Marclant, régisseuse générale au Théâtre de Belleville, d'avoir bien voulu se prêter au jeu du podcast. J'espère que cet épisode aura pu éclairer davantage votre lanterne sur le métier de régisseur. N'hésitez pas à nous suivre pour savoir quand auront lieu nos prochaines masterclass sur les questions techniques, que ce soit ici, au Théâtre Paris-Villette ou au Centre Paris Anime Léal Le Marais, mais aussi à nous faire parvenir vos interrogations. Et n'oubliez pas, tout le monde est capable de faire des métiers techniques, alors restez vous-même et suivez vos envies.